si je voulais, je pourrais habiter n'importe où. Tu sais pourquoi je reste dans ce quartier? La disponibilité. Je veux rester au centre des choses. Parce que quand on est sur place, on peut régler tous les problèmes. Les emmerdes sont des cancers, il faut agir vite. Si tu laisses traîner, ça prend des pleurs et ça te tue. Il faut agir à la base. Ok. Ça me rend fou, promis sur scène, les gens dansent sous motif. Quand j'écris, c'est plus une feuille, mais un Samsung mobile. J'enchaîne mon deuxième texte et il est 12h01. Je te dis que mes bras recherchent une femme avec une douceur pure. Dans ton oreille, cache tes 16, bref, tout se conserve. J'ai des problèmes, mais on m'a dit, on récolte ce qu'on sème. Faut un job, j'ai des couilles, mais pas assez de courage. On m'a laissé le micro pour pouvoir parler de tout ça. Ouais, immerge, c'est fini, les querelles d'enfants. Je fais du mal, mais bizarrement, j'ai les deux ailes d'un ange. Talent caché, encore un article de plus sur mon CV, il est marqué en grand artiste de rue. T'as bien compris, mon rap est triste et honnête. Ça vaut quelque chose comme un tableau qui est signé Monet. J'ai le diable au bout du fil, j'ai usé le forfait de ma vie. Ok, ma rime cache des œuvres comme au musée d'Orsay de Paris. Chaque jour, tu me vois avec mon pack d'air plus training. Clash, revois ta rime avec ma raquette de tennis. A chaque erreur, j'ai un pour trouver la faille. Sur ma feuille, j'ai mis ma vie pour pouvoir tourner la page. Ça fait plaisir, sale rime à saisir. J'arrive assez vite comme Samina série. Rapide ça débite, flow d'extraterrestre. Ready c'est qu'aussi, comme j'accélère. Protège tes pommettes, connais mes collègues. J'collecte les grossesses, la prod blessée, ok. Si j'passais le temps devant des posters de rap, là j'me dope en cabine avec une dose d'herbe grasse. Mec j'écris, j'gratte, j'urédis, j'parle. J'ai du trafic dans la voix, comédie de Piaf. Là j'rédige ma Yves quand je gratte la feuille. C'est qu'aussi qui veut test, passe un rap quart d'heure. J'crame la scun sur la prod, pas tant Mauricie. Serinville, ça va vite, flow Lamborghini. Du punchline sur ce coup-ci, Eve là le programme. Technique offensive comme Pepe Guardiola. Ça part de tout de rien, quatre mises en quotidien. Quatre titres bien qu'on y tient, que chaque jour on y revient. Viens ma mais non c'est un fils, t'enchaînes ça à 5 000. On kiffe la voix des cons qui ça jusqu'au milieu de la nuit. Ça part de tout de rien, quatre mises en quotidien. Quatre titres bien qu'on y tient, que chaque jour on y revient. Viens ma mais non c'est un fils, t'enchaînes ça à 5 000. On kiffe la voix des cons qui ça jusqu'au milieu de la nuit. Ça y est, j'écris le doigt cassé, j'ai mal, mais ça soulage mon cœur. Envie de crier, de gueuler dans le casque et ça calme la douleur. Ma vie codine à moi, ouais l'entre, c'est ma petite amie. Je crois plus qu'en elle et en Allah, j'ai fui le christianisme. Parce que paix, amour, sans ça que je crois par la bombe atomique. Pendant ton pape, mais sa controverse de Valladolid. J't'ai dit le rap, soigne mes blessures, oublie mon ménage foiré. Mais ce son c'est car c'est le beat qui a tout larmoyé. Ça vaut tout l'or du monde, pourtant rapporte que dalle. Radio mes gens, j'connais trop la vision d'une porte qu'on claque. Alors ça taffe au black, ou bien ça squatte au bloc. Moi je traîne dans les parcs, comme mon père taffe à bloc. Ça recherche des salopes, mais attends une fille sage. Attends les bonnes résolutions pour larguer sa vie sale. Besoin d'usine, d'une mosquée, de l'école coranique. Ça met du temps, c'est bien plus long qu'un vol pour l'Australie. J'peux encore ta BCS, demande à cause, ça fait plaisir. Mon album se prépare avant j'te donne ma netteb. J'ai des rimes qui font mal, donc ça cogne dans mes textes. Dans ma vie, autant de rap que d'alcool dans les terres. C'est du lourd, ça va peser une tonne. Sous le signe du bélier, j'ai dû perdre une corne. La vie a donné la mort, mais sa mère est une conne. J'ai dû rajouter que l'alcool dans mon verre de jus de pomme. J'ai vu des putes et des clochards dans l'œil City. On nous éduque avec un dollar dans l'œil Sissi. Marre du quartier, faut que je quitte ces murs. Pour les potes entassés dans une petite cellule, c'est derrière un sourire que les souffrances se cachent. Moi j'ai peur de mourir et que tout change de cap. La musique m'aide à faire face aux rageux. Il faut que j'admette mes erreurs et que je passe aux aveux. Ça part de tout de rien, quatre mises en quotidien. Quatre titres bien qu'on y tient, que chaque jour on y revient. Viens ma mais non c'est un fils, t'enchaînes ça à 5 000. On kiffe la voix des cons qui ça jusqu'au milieu de la nuit. Ça part de tout de rien, quatre mises en quotidien. Quatre titres bien qu'on y tient, que chaque jour on y revient. Viens ma mais non c'est un fils, t'enchaînes ça à 5 000. On kiffe la voix des cons qui ça jusqu'au milieu de la nuit.